Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Fadjet 94.2 pour la nouvelle saison des bons plans solidaires de l'association Aurélia et montée par le groupe solidaire actif. Alors on a pris de longues vacances, on ne revient seulement que pour début novembre, mais tout va bien, on a reconstruit une nouvelle Dream Team et d'ailleurs je lance un appel à tous les auditeurs qui souhaiteraient nous rejoindre pour participer à cette belle émission participative. Eh bien, il suffit de nous contacter sur notre adresse mail gsa@arelia-asso.fr. Alors, autour de moi, je vais d'abord vous présenter un nouveau co-animateur qui va poursuivre l'animation avec moi, qui s'appelle Tao. Bonjour, je suis Tao, voilà. Salut Tao. On a autour de nous Bertrand qui revient pour une nouvelle saison. Salut Bertrand. Salut Lionel. Alain, salut Alain. Bonjour Lionel. Et une petite nouvelle, Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour à tous. Alors, on vous a présenté de nouvelles chroniques, comme d'habitude. On aura de la musique, on aura une interview, plein de bonnes choses pendant une demi-heure. L'émission est prête, vous êtes tous prêts et prêtes? Allez, c'est parti, on attaque. Et on commence tout de suite avec l'ami Bertrand. Bertrand, je crois que tu as quelques bonnes infos à nous donner pour ce mois de novembre. Chaque année, les mairies de Nancy organisent des initiations aux gestes qui sauvent. La prochaine session aura lieu le samedi 25 novembre de 9h30 à 11h30 à l'Hôtel de Ville. Réservation obligatoire au 03 83 85 56 80. Cette initiation est ouverte à tous et gratuite. Exactement, j'ai vu ça aussi. Il y en a à peu près 6 par an qui se font avec la mairie de Nancy. De plus en plus de gens y vont parce que c'est bien de pouvoir connaître quelques petits gestes qui peuvent être bien utiles quand on se promène en ville et qu'on voit quelqu'un qui n'est pas bien. Encore une autre info, Bertrand ? Simplement pour signaler que le premier dimanche de chaque mois, tous les musées sont gratuits. Et puis, les musées sont également gratuits pour les gens qui sont au RSA. Oui, on l'a déjà dit, et c'est très bien de le rappeler régulièrement. Il y a des tas de musées et des tas d'expos aussi qui tournent sur Nancy, donc c'est bien de le repréciser. Eh bien, merci Bertrand. Et on poursuit maintenant avec Alain. Donc, oui, je suis là. J'espère. Tu vas nous parler d'une chronique que tu as préparée, c'est à toi. Oui, punaises de lit. C'est gay, cette saison. C'est d'actualité. Les punaises de lit, ces petites bêtes qui vous rendent la vie difficile. Pensez à désinfecter votre matelas avec un spécialiste dans le cas où vous seriez affecté, ainsi que vos oreillers. Faites aussi désinfecter votre appartement, vos placards et vos salles de bain. Allez voir un médecin pour lui montrer l'étendue des dégâts sur vos bras et votre corps. Il vous fournira une pommade prévue pour ça. Bon courage à tous. Oui, alors, à préciser quand même, parce que faire venir un spécialiste, ça coûte extrêmement cher. Il y a des recettes aussi qu'on peut faire soi-même. Il faut savoir que tout ce qui est à plus de 60 degrés ou tout ce qui est très froid tue les larves et toutes les bêtes. Donc si vous avez un truc à vapeur, par exemple, n'hésitez pas à en passer sur les plaques, sur tout ce qui est boiserie. C'est là qu'elles se nichent le plus souvent. Et puis, pour les habits, eh ben, c'est pareil. Une machine à laver à 60 degrés, même si c'est des habits qui sont censés être lavés à 30 degrés, il faut tout passer à 60 degrés. Et là, vous êtes et tranquille. Aérez votre pièce, votre appartement aussi régulièrement et puis nettoyez bien de manière à ce qu'elle ne trouve pas des petits endroits pour nicher. Voilà, c'est long mais c'est efficace avec la vapeur à plus de 60 degrés ou le froid et là un congélateur dans nos associations on a eu déjà ce problème dans le passé et on a installé tout un dispositif avec des congélateurs où on a tout fait congeler pendant 48 heures et ensuite les gens ont pu récupérer leurs habits leurs chaussures, j'ai même quelqu'un qui a mis sa guitare dans un congélateur elle a pas trop dégusté, ça a été voilà, donc ça c'est une excellente information. Alors, tu as encore une autre info à nous donner. Oui, le Covid et la grippe. Le Covid et la grippe reviennent à grande vitesse. Pensez à protéger votre famille et vos proches. La CAF a envoyé un courrier à tous les allocataires du RSA et de la H. Enfin, d'informer sur les nouvelles campagnes de vaccination. Prenez-en bonne note.

merci à Orelsan et à Stromae pour cette belle chanson. On retrouve maintenant Tao. Bonjour. Prêt pour tes grands débuts ? Oui. On va commencer. En fait, tu viens aussi nous présenter une association dans laquelle tu fais partie, qui s'appelle 4R6 Kesako. Alors oui, effectivement, déjà avant de commencer, à la base, on devait interviewer Jean-Charles Janon, JC, hein, si tu nous écoutes, président de l'association Catharsis, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, étant donné qu'il est malade, voilà, pas de chance. Alors Catharsis, qu'est-ce que c'est ? Catharsis, ce sont des soirées dédiées à la création artistique, qu'on organise en gros un mardi sur deux au bar Le Meltdown, rue du Cardinal Tisserand. Voilà. Le principe est simple, on donne un thème... on donne un thème en gros, et les artistes doivent créer des œuvres à partir de ce thème. Donc voilà, donc, ils ont deux semaines de délai pour pouvoir le faire. On est donc sur de la création artistique sous contrainte. D'accord, donc c'est un peu du live. Ils arrivent avec leur idée. Alors exactement, pour rentrer un peu plus dans le détail du coup des soirées, 4R6, on a donc 4 catégories d'art, à savoir pictural, ça peut être de la photo, de la peinture, ou de l'infographie par exemple, des collages. Musical, donc ça peut être de la musique en live, ça peut être un mix, ça peut être toute forme de musique. Audiovisuel, un clip, un court-métrage, ou encore littéraire. Donc littéraire, on va avoir des nouvelles, des poésies, ce genre de choses, ou du slam parfois. Et donc l'idée... c'est qu'effectivement c'est du live, on a un présentateur, Monsieur Louis, qui est un stand-upper local, qui va présenter la soirée et va faire venir les personnes une à une qui auront 6 minutes maximum pour présenter leur œuvre. Donc dans certains cas, dans le cas du pictural par exemple, ils vont venir, ils ont déjà, on affiche l'œuvre en gros, il y a l'original qui est là, la personne nous explique sa démarche artistique, et dans le cas d'un littéraire, il nous lit son texte ou... nous jouons la musique. D'accord. Alors, pour être venu une fois, je crois qu'on savoir que le concept de votre association et de vos animations en soirée a été apporté d'outre-mer. Tu peux m'en dire plus ? Alors, c'est ça. C'est-à-dire que donc JC, notre président, qui est fondateur de Catharsis, a vécu pendant plusieurs années au Québec. Il l'aurait expliqué mieux que moi s'il avait pu venir. Et là-bas, il faisait partie d'une autre association qui s'appelait Trois Règles, pour Trois Règles, qui reposait exactement sur le même principe. Alors eux, leur règle, donc c'était une soirée par mois, je crois. Pareil, un thème, une contrainte de temps, ce qui faisait trois règles. Et voilà, donc création artistique, voilà, dans un bar, ambiance conviviale, ce genre de choses. D'accord. Tout simplement. Ok. Et donc, si je comprends bien, tout le monde peut participer. On peut venir voir en buvant un verre, ou on peut venir en préparant une petite note, enfin une petite fiche, petite animation. Ils voient ça en amont de la soirée avec vous. Alors justement, oui. Alors en gros, les soirées sont ouvertes à strictement tout le monde. Alors en tant que spectateur, c'est facile. Vous avez juste à venir à la date de la soirée. Pour ce qui est de participer, le mieux c'est juste de nous contacter avant par les réseaux sociaux, où on a un site aussi, Catharsis, qui permet de s'inscrire, mais même on a aussi un Insta, bref, faut pas hésiter à nous contacter, parce qu'on a juste besoin de pouvoir faire un petit peu le planning à l'avance, le déroulé de la soirée. Mais oui, c'est vraiment ouvert à tous, c'est-à-dire qu'on a parfois des artistes qui sont artistes un peu en amateur depuis plusieurs années, et d'autres parfois qui se lancent, tout simplement. L'idée de Catharsis, c'est avant tout la convivialité, la bienveillance, et d'essayer en fait de motiver les gens à ne pas rester dans une frustration, à pouvoir essayer de s'adonner à un domaine artistique. Donc on est vraiment ouvert à tous. D'accord. Donc pour préciser, l'association 4R6, ça s'écrit 4 R comme l'art, ART, 6 et le tout. 4 R, 6 minutes. Et 6 minutes. Voilà, 4 artistes qui jouent, qui présentent quelque chose durant 6 minutes. 4 thèmes plutôt, parce que 4 thèmes, pardon. Parfois il y a artistes pour avoir 10, parfois 15, parfois. Alors, ce sera quoi d'ailleurs le thème de la prochaine soirée ? Alors, la prochaine soirée aura lieu le 21 novembre au Meltdown, comme je le disais, c'est un mardi sur deux, et sera sur le thème énergie. À noter qu'à 4R6, les thèmes sont à interpréter de manière libre. Donc, énergie, vous pouvez le prendre d'un point de vue spirituel, d'un point de vue, je sais pas, de l'électricité, de l'écologie. C'est vraiment. C'est aux gens de s'approprier les thèmes. Et nous expliquer aussi comment est-ce qu'ils se l'approprient, et c'est une des parts intéressantes de l'association. Dans tous les sens du mot. Dans tous les sens du mot, c'est ça. Ça donne beaucoup plus de variété aux différentes actions proposées. Ok, merci beaucoup Tao pour cette présentation au pied levé, mais bon, comme tu connais bien l'association, c'était assez simple. On salue ton président et on lui souhaite un bon prompt rétablissement. Bon rétablissement, j'y sais. Et voilà, j'y sais. Et on vous retrouve donc le 21 novembre prochain au Meltdown pour cette prochaine soirée 4R6. Merci Théo. Merci Lionel. Voilà. Voilà, et comme Tao a fait sa première, le Vla déjà prêt, il va prendre le relais de l'émission. À toi, Tao. Eh bien, merci beaucoup Lionel. Oui, effectivement, je vais co-présenter cette émission. Alors nous avons la chronique de Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Tao, bonjour l'équipe. Alors, il me semble que tu comptais nous parler de quelque chose qui est à venir dans très peu de temps, à savoir le Téléthon. Le Téléthon 2023 aura lieu le 8 et 9 décembre. Si vous souhaitez participer à une animation près de chez vous, vous pouvez contacter Michel Adam, coordinateur AFM, à Vendeuve au 03 83 56 99 54. Eh bien, merci beaucoup Françoise, c'est vraiment super. Dis-moi, je crois que tu avais d'autres informations à nous faire passer un peu sur les choses à venir sur le mois de décembre, du coup, notamment fin novembre et décembre. Pour les fêtes. Ah, les fêtes, oui. C'est-à-dire. Bon, du 24 novembre au 7 janvier 2024, venez à Nancy découvrir l'ambiance chaleureuse des fêtes de Saint-Nicolas. Oh! Dégustation, illumination, commerce et spectacle, projection, chalet pour faire des cadeaux ou se régaler. Le défilé de Saint-Nicolas aura lieu le 9 décembre avec un nouveau tracé. La grande roue sera installée près place Carrière. Pensez à aller voir le son et les lumières place Stanislas où un grand sapin de Noël sera installé. Oh, un grand sapin de Noël, et bien. Et vous, Gia, toujours, la tradition, c'est que le sapin de la place Stanislas, il y a toujours des Vosges. Ah, ça, je ne sais pas. Eh oui, voilà. Il fallait le préciser. Bien, merci beaucoup, Françoise, pour cette intervention. En tout cas, ça donne très, très envie d'aller profiter de l'ambiance des fêtes de Nancy. Sur ce, avec les bons plots solidaires, nous vous proposons une nouvelle interview musicale avec chacun de son côté de l'affaire Louis Trio. Autant se dire adieu avant qu'on soit trop vieux. Nos souvenirs seront les mêmes, qu'on se déteste ou qu'on s'aime. La vie est toute à mourir, autant partir. Le temps est loin, on s'est mis d'amour. Nos souvenirs seront bonjour à tous. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 et c'est l'émission des bons plans solidaires du groupe Solidaire Actif. Nous sommes toujours avec Lionel. Oui, alors j'ai des petites infos. C'est ça ce que j'allais dire. Apparemment, tu as quelques petites infos à nous présenter. C'est ça. Alors, il faut continuer à profiter de la foire d'automne, hein, la pépinière avec les petits manèges pour les enfants, c'est super. Tout le monde pense que c'est déjà terminé. Mais non, c'est pas fini. Ça se terminera seulement le 19 novembre. Donc, vous avez encore quelques jours à pouvoir profiter d'aller amener vos bambins et vos têtes blondes s'amuser dans les manèges. Et puis, une deuxième info que je voulais vous donner aussi, c'est une action partenariale qui a lieu depuis maintenant pas mal de temps à l'initiative d'une association qui s'appelle l'Ortie. Alors l'Ortie, c'est une association d'insertion qui a comme activité le maraîchage. Et à l'intérieur d'Arélia, il y a une action qui s'appelle Fais-tout. Donc c'est un tiers-lieu alimentaire. Et on se retrouve, il y a un marché qui se déroule à Saint-Max. Au centre social Géricault, je crois. Ouais, c'est ça, au centre social Géricault. Et on se retrouve, nous, le Fais-tout avec l'Ortie, un mercredi sur deux, de 8h30 à 12h30. Voilà, alors vous pourrez non seulement acheter des bons produits bio que sait faire l'Ortie depuis maintenant pas mal d'années, mais vous pourrez aussi déguster des petites choses qu'on vous préparera. Notamment des produits qui sont préparés par une de nos nouvelles activités qui s'appelle la transformerie. Vous allez pouvoir goûter des compotes, des soupes, des petits légumes préparés. Vous allez voir que c'est super. Et puis, on va faire aussi des animations. On fait aussi des animations avec l'Ortie pour que ce moment de marché solidaire soit intéressant et on y passe tous une bonne matinée, quelle que soit la météo. Donc, je vous rappelle, tous les mercredis, au centre social Géricault de Saint-Max, marché à vivre, vivre comme les vivres, hein, la nourriture. Donc marché à vivre de 8h30 à 12h30. Voilà pour les deux petites infos que j'avais à passer. Eh bien super, merci Lionel. Nous sommes toujours sur l'émission des bons plans solidaires et nous sommes toujours avec Lionel qui va nous proposer son jeu, le jeu phare un peu des bons plans solidaires, à savoir l'anniversaire des stars. Le jeu culte, tu veux dire. Le jeu culte, évidemment. jeu culte de l'animateur culte même, je dirais. C'est rien, c'est trop, merci. On va changer un petit peu notre manière de jouer sur les anniversaires des stars ou des personnalités. Je vous donne juste le jour du mois de novembre où il est né. À vous de me poser les questions, je vous répondrai par oui ou par non, et petit à petit, j'espère qu'on va trouver qui est cette personnalité. Alors attention, cette personnalité est née le 14 novembre. Bertrand, tu as une question à me poser ? Oui, est-ce que c'est un homme ? Oui, c'est un homme. Est-ce qu'il est né avant les années 60 ? Oui, il est né avant les années 60. D'accord. Est-ce qu'il chante toujours ? Je pense pas qu'il chante, non. Ah, il est mort ? Non, il est vivant. Est-il français ? Non. Anglais ? Oui. Ah, ça vous aurait étonné. C'est un chanteur de rock ? Pas du tout. Ah ! Est-ce qu'il fait de la guitare ? Du pipeau, c'est sûr, mais de la guitare, non. Ah, c'est un homme politique. Oui ! Tony Blair ? Non. Alors, quelqu'un a une autre question à poser ? Donc, un homme politique qui a toujours envie ? Ouais. De droite ? Ah bon, d'Angleterre ? Oui, il est passé il n'y a pas longtemps à la télé, longtemps. Il est rond ou il est mince ? Il est plutôt mince. Ah, est-ce que c'est pas Boris Johnson ? Est-ce qu'il est connu ? Bah oui, un peu. C'est l'homme le plus connu d'Angleterre. Bah, c'est le Premier ministre actuel Non, c'est pas le Premier ministre. Ah, le roi d'Angleterre, Charles peut-être ? Oui, oh, Charles III. Charles est donc III. Né le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham. Un poétique. Bravo Bertrand. On continue ? Oui. Avec une personnalité qui est née le 23 novembre. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il est français ? Oui. Est-ce que c'est un homme ? Oui. Tom Novembre. Non. Est-ce qu'il a plus de 60 ans ? Est-ce qu'il a plus de 60 ans ? Réponse, oui. Est-ce qu'il chante ? Oui. Est-ce qu'il fait de la guitare ? Oui. Est-ce qu'il a un groupe ? Non. Est-ce qu'il fait du rock ? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il fait des représentations en France ? Oui, tout le temps. Est-ce qu'il est âgé ou jeune ? Ah, il est plutôt âgé, plus de 60 ans. Est-ce qu'il fait partie des Gypsy Kings ? Eh non. Il est toujours vivant ? Ah bah oui, vaut mieux pour chanter. Il fait de la chanson française ? Oui, c'est de la chanson française. Avec une guitare. Est-ce qu'il est français lui-même ? Avec une guitare, Cabrel ? Bah oui, il est français. Comment ? Cabrel ? Oui, Francis Cabrel, qui est né le 23 novembre 1953. Quand je serai fatigué d'un métier où tu marches, où tu crèves, lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains, troisième pour terminer, personnalité, elle est née le 17 novembre. C'est parti. Une femme ? Oui, c'est une femme. Mais peut-être elle est grande ? Ah, je ne l'ai jamais mesurée. Est-ce qu'elle est renommée ? Très renommée. Ah, est-ce qu'elle chante ? Non, pas du tout. Quoique, elle a dû faire peut-être une ou deux petites chansons comme ça. Elle fait du rock ? Bah non, elle chante pas. Est-ce qu'elle fait du théâtre ? Ouh, du théâtre, je ne sais du pas. Du cinéma ? Oui, du cinéma, sûr. Ah, Catherine Deneuve ? Non, c'est pas Catherine Deneuve. Est-ce qu'elle est française ? Oui, elle est française. Simone Signoret ? Non, ce n'est pas Simone Signoret. Est-ce qu'elle est vivante ? Elle est jeune ? Elle est vivante ? Oui, elle est vivante. Est-ce qu'elle est devenue connue quand elle était jeune ? Elle est jeune, relativement. Elle va doucement, mais sûrement sur la soixantaine. Ah, quand même ! Est-ce qu'elle est devenue connue lorsqu'elle était jeune ? Oui ! C'est là qu'elle est venue très très connue lorsqu'elle était très jeune. Elle est actrice, mais elle est aussi réalisatrice, mais elle est surtout actrice. Et elle a joué des films enfant ? Alors, pas enfant, mais très jeune, 12 ans, 13 ans exactement. Ah, Sophie Marceau peut-être, non ? Oui, Sophie Marceau, Franchement, bravo patron, qui est née le 17 novembre 66. Alors, bonne fête, bon anniversaire, joyeux anniversaire à Sophie, elle a quel âge ? À Francis et... Le premier Charles. À Charles. Voilà, pour la chronique des anniversaires de stars. Bonjour à tous, nous sommes toujours sur Fajet 94.2 sur l'émission des bons plans solidaires que nous allons achever. Voilà, c'est la fin de l'émission. J'aimerais d'abord remercier toute l'équipe déjà pour l'accueil qui m'a été fait. Donc voilà, Tao, je suis nouveau stagiaire de Lionel. Et donc, j'ai co-présenté un peu cette émission. J'aimerais remercier Bertrand pour sa participation. Alain. Merci. Et Françoise, et évidemment Lionel. Merci. Avant de nous quitter, nous avons une petite dernière chanson à vous faire passer. Je vais laisser Lionel nous présenter un peu cette chanson. Oui, alors il s'agit, vous l'avez sans doute toutes et tous entendu sur les différents médias, c'est la toute dernière chanson des Beatles qui a été retrouvée au fond des greniers. Donc les Beatles se sont séparés depuis maintenant 53 ans et en fait dans les maquettes qui traînaient, il y avait une maquette d'une chanson qu'avait enregistrée John Lennon qui s'appelle Now and Then. Et grâce à l'intelligence artificielle, on en entend parler de plus en plus, ils ont réussi à isoler les voix de John Lennon, la guitare de George Harrison, Ringo Starr et Paul McCartney sont revenus en studio pour refaire un réenregistrement de cette chanson-là. Et donc, 55 ans après, sort un nouveau titre des Beatles qui s'appelle Now and Then. Eh bien, merci beaucoup Lionel. Bah, nous allons tout de suite écouter cette chanson. Mais avant ça, une fois de plus, je remercie tous les membres de l'équipe et je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode des Bons Plans Solidaires. Au revoir. Bye bye. Bye bye, bye. À la prochaine. I know it's true. It's all because of you.